mandarine, pour la mandaline, mais pour Madeleine, mais jamais de laine. On a pris le dos d'un gros crocodile pour le sac de ville d'un vieux tableau. Il a dit la vie va changer et tout ce qui était croqué mangeront ce qu'il aime manger. Ah. Une mandarine pour la mandaline et pour Madeleine, déjà Madeleine. Un passant qui passe, une passerelle, je crois que c'est un papa passeron. Il a dit à son ami l'hirondelle, grimpe sur mon aile, grimpe sur mon dos. Tu verras, je t'emmènerai dans le village où toi dorais des gentils lupins et des fées. Mandarine pour la mandaline, et pour Madeleine, déjà Madeleine. Un berger au nez, un peu en trompette, la bergeronnette ne l'a pas trompée. La bergère était un peu malhonnête, elle s'en allait les moutons.